بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 89 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on continue donc dans notre explication. Le Cheikh, il réfute toujours les gens de Wahdatul Wujud. Et il explique maintenant, donc, au dernier cours, on parlait de Al-Wala wal-Bara et qu'est-ce que ça signifie. Et que ça fait partie des caractéristiques des vrais croyants, d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, d'aimer ce que Allah aime et de détester ce que Allah déteste, et de se désavouer de tout ce qui est shirk et kufr et tout ce qui est contraire à l'islam. Hein? Et le Cheikh, il explique ici, il dit وَلَا يَتَبَرَّأُ مِنَ الشِّرْكِ وَلَوْثَانِ وَلَا يَتَبَرَّأُ مِنَ الشِّرْكِ وَلَوْثَانِ فَخَرَجَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. Donc il dit, le Cheikh, ceux qui font partie de la catégorie des soufis, hein, qui ne voient pas la distinction entre le Créateur et la créature, ils prennent pour alliés les juifs et les chrétiens et le reste des koufars comme alliés, et donc en faisant ça ils contredisent la voie des croyants et la religion d'Abraham, et ils ne se désavouent pas du shirk et des idoles. Donc le Cheikh dit fa kharaja an millati Ibrahim al-Khalil salawatullahi wa salamu alayhi. Donc ils ont quitté par cela la religion d'Abraham. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, il dit وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Donc ici le Cheikh, il cite le verset 4 dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie en parlant d'Abraham alayhi salam. Il dit, il y a certes pour vous la meilleure exemple ou une bonne exemple à suivre en Abraham et ceux qui ont cru avec lui lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, et entre vous et nous est apparu une animosité et une haine qui durera jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc ici le Cheikh, il clarifie que l'attitude de ces gens-là, du fait qu'ils prennent pour alliés les juifs et les chrétiens et qu'ils ne se désavouent pas du shirk et des idoles, et ils prennent pour alliés les mushrikines, hein, ils contredisent par cela la religion d'Abraham. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à ce sujet-là en disant ولا يفرق بين الكافر وبين الكفر والإيمان كما فرقت ملة إبراهيم كما فرقت ملة إبراهيم وإبراهيم تبرأ من الكفار حتى من أبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلا بد من الولاء والبراء في الإسلام مولاة المؤمنين والبراءة من المشركين أما الذين كلهم عنده سواء اليهود والنصارى والمسلمون فهذا ما عنده ولاء ولا براء. Donc le Cheikh, il dit que ces gens qui ont cru en Wahdatul Wujud parmi les soufis hérétiques, ils ne distinguent pas entre le kufr et la foi, et donc ils se sont donc séparés de la religion d'Abraham de ce fait là parce que Ibrahim alayhi salam, lui, se désavouait des koufars. Il s'est même désavoué de son propre père, Ibrahim alayhi salam. Et il dit, la raison pourquoi il s'est désavoué de son père et des autres koufars de son peuple, c'est parce que il a compris que, il était un ennemi d'Allah. Il a compris que son père était un ennemi d'Allah. Alors il s'est désavoué de lui. Et donc, il faut absolument établir al-wala wal-bara dans l'islam. Et le fait de prendre les croyants pour alliés et de se désavouer des mushrikines, de prendre les croyants pour alliés et de se désavouer des mushrikines, ça c'est la religion de l'islam. Tandis que pour les gens pour qui tout le monde est pareil et tout le monde est égaux, les juifs, les chrétiens, les mouchriquins, les musulmans, tout le monde sont pareils pour eux, eh bien ça, ces gens-là, en réalité, ils n'ont pas d'islam parce qu'ils n'ont pas, accepté al-wala wal-bara, le fait d'aimer pour Allah et de se désavouer de tout ce qui est contraire, tout ce qui est contraire à la religion d'Allah et de se désavouer des kuffars et des mouchriquins. Donc, ça c'est un point important. Et il y en a parmi les gens, j'ai entendu des paroles, parfois on entend des paroles de la part de certains, et le pire c'est la personne qui ne sait pas et qui pense, ou qui pense qu'elle sait. Il n'y a rien de pire que ça, yani. La personne qui est jahil, mais qui pense qu'elle est savante. Et donc parmi ces gens-là, j'ai entendu une journée, yani, ça fait peut-être quelques années, un individu qui écrivait à propos de l'islam, puis de la salafia, et des choses comme ça. Et yani, c'est un journaliste, la plupart des journalistes, ils parlent sans science, malheureusement. Et celui-là, il disait que Al-Wala wal-Bara, c'était inventé par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et quand on entend des inepties pareilles, on est vraiment choqué parfois parce que ça prouve vraiment une ignorance totale de la réalité de la religion de l'islam. Surtout que ce journaliste qui se prétend ou qui se dit musulman, donc il se dit musulman, en principe, il fait partie des musulmans. Sauf que yani, il a beaucoup d'ignorance, hein? Et donc il prétendait dans son texte que Al-Wala wal-Bara s'est inventé par Mohammed ibn Abdul Wahhab, alors que Al-Wala wal-Bara est mentionné dans le Coran. Il y a plein de versets sur Al-Wala wal-Bara, et l'exemple du verset 4 dans Surat Al-Mumtahana, ça c'est un des meilleurs exemples, hein? Un des meilleurs exemples. Il y en a plein d'autres versets dans ce sens-là, le verset qu'on a lu la dernière fois, le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah, c'est un exemple aussi. Donc, en ce qui concerne l'explication du verset 4 dans Surat Al-Mumtahana, le Cheikh Al-Fawzan, il dit « يقول الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية قد كانت لكم أسوة حسنة يعني طيبة الأسوة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة قدوة في الخير أو قدوة في الشر ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا والذين معه الذين اتبعوه وآمنوا به إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يعني تبرؤوا منهم ومن دينهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني لا تقارب بيننا وبينكم ولا نقول تقاربوا مع اليهود والنصارى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني لن تذهب هذه العداوة والبراءة إلا إذا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يعني إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه وامتنعه قال لأستغفرن لك يعني فهذه لا يقتدى به فيها وقد تبرأ منه في آخر الأمر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلا عن موعدة وعدها إياه قال لأستغفرن لك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فتبرأ حتى من أبيه لما تبين له أنه عدو لله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا يحبونهم أبدا إنما إذا كانوا آباءهم يبرون بهم من باب المعاملة بالحسنى لا يحبونهم ولكن يبرون بهم لأن لهم عليهم حقا من البر ولو كانوا كفارا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا في الدنيا وليس في الدين وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فالبراءة من الكفار واجبة وهي من الدين والذي لا يتبرأ من الكفار يكون منهم بنص الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا خطر عظيم ينادى الآن بإلغائه وأن هذا تشدد وأن هذا إرهاب وأن هذا فالمصيبة عظيمة الآن. Donc le cheikh il explique ce passage là et j'ai voulu le lire jusqu'à la fin en arabe parce que je voulais pas le couper parce qu'il y a des explications qui sont importantes du début jusqu'à la fin et si on coupe parfois ça donne des mauvaises compréhensions ou ça peut amener une mauvaise compréhension et donc je voulais pas séparer la traduction en deux parties. Donc je vais traduire maintenant jusqu'à la fin de ce passage là et c'est très très important qu'est-ce que le cheikh explique ici. Il dit donc par rapport au verset 4 dans sourate Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala il explique à cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait certes une belle exemple, un exemple qui est bonne à suivre. Il dit, c'est-à-dire que Al-Uswa, dans la langue arabe, Al-Uswa, c'est le bon modèle, le bon, la belle exemple. Mais ça peut être aussi utilisé dans le sens de qu'est-ce qui est un mauvais exemple aussi. Parce que Al-Uswa, ça peut être un bon exemple dans le bien. Et si on dit Uswatun Sayyi'a, donc Uswatun Hasana, c'est un bon exemple. Et si on dit Uswatun Sayyi'a, ça va être une mauvaise exemple. Donc Al-Uswa, c'est l'exemple qu'on, le modèle qu'on suit ou l'exemple qu'on suit, hein. Et donc ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit uswatun hasana. Ça veut dire un exemple qui est bon à suivre. Un exemple qui est bon à suivre. Et il dit, que Ibrahim alayhi salam, donc c'est un bon exemple. Et il dit, il y a certes pour vous, Abraham, une bonne exemple à suivre et ainsi qu'en ceux qui étaient avec lui. C'est-à-dire parmi ceux qui l'ont suivi et qui ont cru en lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc le cheikh, il dit, ils se sont désavoués d'eux, parce que ce sont des koufars et des mushrikines, et ainsi que de leur religion, c'est-à-dire de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يعني nous nous désavons de vous et de et nous vous renions. Nous nous désavons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et entre vous et nous apparaît ou vient une animosité et une haine qui durera pour toujours, jusqu'à ce que vous croyiez ou que vous acceptiez de croire en Allah seul et que vous cessiez de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique donc qu'il n'y a pas de rapprochement entre vous et nous et donc on va pas dire Rapprochez-vous avec les juifs et les chrétiens, par exemple, comme certains aujourd'hui font ce genre de propagande ou ce genre d'appel. Ils invitent les gens et ils disent il faut par exemple faire des rapprochements entre l'islam et le christianisme et le judaïsme. Et par exemple les mosquées des Ikhwan, en particulier la secte des frères musulmans Ikhwan al-Muslimoun, ces gens-là souvent ils font ça dans leurs conférences ou bien dans leur mosquée ou dans leur centre. Ils invitent par exemple des rabbins, des chrétiens, des prêtres ou des moines, et ils font des colloques comme ça ou des conférences, et ils invitent ces koufars pour parler avec eux. Et comme si en voulant dire chacun il vient pour présenter sa religion ou bien présenter sa croyance, et ils disent par la suite bon, nous sommes les trois grandes religions, et nous sommes toutes les trois sur la vérité, et on a tous raison, et chacun il s'envoie des roses, et puis chacun de son côté il flatte l'autre de dans le sens du poil, comme on dit. Et ça c'est totalement batil, totalement faux, parce que le devoir pour le musulman, c'est d'appeler les koufars et les mouchriquins, les juifs et les chrétiens à l'islam et au tawhid et à la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au Coran. Donc c'est pas seulement pour essayer de rapprocher les juifs et les chrétiens avec nous, puis de leur dire ouais, vous êtes corrects, c'est correct, votre religion elle est bien, et notre religion elle est bien aussi, puis on est tous corrects, et on va tous aller au paradis, puis tout va bien comme ça, c'est correct. Hein? Donc ça c'est totalement faux, et c'est totalement contraire à l'islam. Et ceux qui font ce genre de da'wah, il n'y a pas de doute qu'ils sont en contradiction avec les fondements même du tawhid de l'islam, et ils contredisent al-wala wal-bara. Hein? Ensuite le shaykh il dit na'am, cette animosité là qui est entre vous et nous, et ce désaveu, il ne va pas partir, il ne va pas s'en aller, excepté si vous acceptez de croire en Allah et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit hatta tu'minu billahi wahda, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Hein? Et il dit ensuite, donc ça c'est dans qu'est-ce qui a été mentionné dans le verset 4, jusqu'à ce point-là, ça c'est la bonne exemple à suivre dans la parole d'Abraham, excepté ce qui est mentionné par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku lak min Allah min shay, rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la fin du verset 4 dans sourate al-mumtahana que excepté ce qui est mentionné de la part d'Abraham lorsqu'il a dit à son père, certes je vais demander pardon à Allah pour toi. Hein? Donc donc cette parole là ça fait pas partie de la bonne exemple à suivre dans cet exemple d'Abraham. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, excepté la parole d'Abraham à son père, je vais demander pardon pour toi. Et on va voir pourquoi. Le cheikh il va expliquer pourquoi par la suite cette parole-là ne doit pas être prise comme exemple. Donc, dans la suite du verset, exception faite de la parole d'Abraham, adressée à son père, j'implorerai certes pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Hein, Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et c'est à toi que nous revenons repentant, et vers toi est le devenir. Donc cette partie là du verset, le cheikh il dit Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu que son père refusait d'accepter la foi, il a dit à son père, je vais demander pardon à Allah pour toi. Et le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset que on ne doit pas prendre cette parole là comme un exemple et la prendre comme un modèle, de la part d'Abraham, puisque par la suite, Ibrahim alayhi salam, il s'est désavoué de son père par, plus tard. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans un autre verset dans le Coran, qui est le verset 114 dans Surat At-Tawbah. Et dans ce verset-là, le verset 114, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ. Et ce qui signifie: Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Et lorsque, mais dès que dès qu'il lui est apparu clairement que son père était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Hein? Il s'est désavoué de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset: Inna Ibrahim la awahun halim. Il dit: Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Donc ici, on voit clairement le fait que de demander pardon pour le mushrik ou le kafir après sa mort, ça c'est quelque chose qui est interdit et qu'on ne peut pas faire. Et que l'exemple d'Abraham, ça c'était une exception parce que Ibrahim alayhi salam avait promis à son père. Mais lorsqu'il a compris que son père était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Et cet exemple-là aussi, c'était la même chose aussi à propos de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Donc et puis il y a aussi des versets dans le Coran dans lequel il mentionne que le croyant ne doit pas demander pardon pour les mushrikines. Donc une fois qu'ils sont morts, on ne peut pas demander pardon pour les mushrikines. Donc tout ça c'est des exemples ici par rapport au désaveu, hein, al-wala wal-bara. Et le cheikh il dit: fatabarra'a, hein, donc Ibrahim alayhi salam il s'est donc désavoué de son père lorsqu'il a vu clairement que son père était un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'opposait clairement et qui s'opposait vigoureusement à la vérité et à la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 22 dans sourate Al-Mujadala, ce qui signifie: tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur famille, hein, leur tribu. Donc ils ne les aimeront jamais, hein, et ça c'est impossible. C'est-à-dire c'est impossible que des croyants aiment ceux qui opposent Allah et son messager. C'est impossible. Et donc s'ils les aiment, hein, eh bien ça c'est un signe que leur foi elle est pas réelle. Si les croyants aiment ceux qui opposent Allah et son messager, eh bien ça veut dire qu'ils sont pas des croyants pour de vrai, parce que cette chose-là est impossible et interdite. Et dans le verset 22 dans sourate Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a nié cette chose: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. C'est-à-dire, tu peux pas trouver ça. Hein? لا تجد قوما. يعني tu peux pas le trouver, ça n'existe pas. Donc la négation de l'existence d'une chose, c'est plus encore que son interdiction. Les ulama ils disent la négation de son existence est plus forte encore que son interdiction. Hein? Donc ça veut dire c'est quelque chose, non seulement c'est interdit que des croyants aiment des kuffars qui opposent Allah et son messager, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça se peut pas en fait, parce que c'est une contradiction. Et le shaykh il dit donc ils ne doivent pas les aimer, ils ne peuvent pas les aimer même si ce sont leurs propres pères, hein? Et par contre, ils doivent être bons envers eux et agir avec eux et envers eux de la bonne manière. Agir avec eux avec un bon comportement. Toutefois, ils ne doivent pas les aimer, mais ils doivent agir avec eux hein, avec bonté et agir avec eux avec respect et obéissance, hein, par rapport du fait que c'est leur père. Et il dit, parce qu'ils ont un droit, hein, ils ont un droit sur eux, hein, ils ont, c'est-à-dire le père il a un droit sur son fils, et il doit donc, du fait que c'est son père, il doit donc agir avec lui d'une bonne manière, même si son père est un kafir, ou même si son père est un mushrik. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 14 et 15 dans Surat Luqman, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses deux parents. Sa mère l'a porté peine après peine. Il l'a allaité pendant 2 ans. Donc, sois reconnaissant envers moi et envers tes deux parents. Et c'est vers moi que sera le retour. Et si il lutte contre toi ou il te force à faire du shirk avec moi en associant ce dont tu n'as aucune science, hein, ce que tu ne connais pas, alors ne leur obéis pas. Donc, si tes parents t'ordonnent de faire le shirk, ou d'associer avec Allah, ou de faire le kufr, ou de désobéir à Allah, de faire un péché, ou de ne pas faire ce qui est obligatoire, eh bien, tu ne dois pas leur obéir dans ça. Mais, par contre, sois un bon compagnon pour eux dans la dunya, hein, agis avec eux d'une bonne manière, et sois un bon compagnon pour eux dans cette vie d'ici-bas. Et le shaykh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset que tu dois agir avec eux d'une bonne manière dans la dunya et non pas dans la religion. C'est-à-dire que par rapport à la religion, tu les détestes s'ils sont des mushrikines du fait qu'ils sont en train de commettre le shirk et le kufr. Mais par contre, tu dois agir avec eux de la meilleure façon et d'agir avec eux avec bonté. Et il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sois avec eux un bon compagnon dans cette dunya et suis le chemin de celui qui s'est repenti, hein, à moi. Et donc, le shaykh, il dit, c'est-à-dire de se désavouer des kuffars, c'est une obligation. Parce que c'est ça la voie de celui qui s'est repenti à Allah. La voie des prophètes et des messagers, ceux qui se sont repentis à Allah. La voie des sahaba, qui se sont repentis à Allah, subhanahu wa ta'ala, leur voie, c'est de se désavouer des kuffars. Et ça, c'est une obligation et ça fait partie de la religion. Tandis que celui qui ne se désavoue pas des kuffars, eh bien, il fera partie d'eux, comme c'est mentionné dans le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah, et quiconque les prend pour alliés parmi vous, alors il est un des leurs. Et ça, c'est une affaire qui est extrêmement dangereuse et à laquelle certains aujourd'hui appellent. Ils appellent à l'abolition ou à la négation de Al-Wala wal-Bara, et du fait de détester pour Allah et de se désavouer des kuffars et des mushrikines. Et ils appellent à abolir ça ou à rejeter ça, et ils prétendent que c'est de l'extrémisme ou que c'est de la dureté ou que c'est du terrorisme ou des choses de ce genre. Et ça, c'est donc quelque chose qui est devenu très grave aujourd'hui, et c'est devenu très grave parce que ça implique qu'on devrait rejeter des principes fondamentaux de l'islam pour plaire et pour faire plaisir au kuffar. Et donc c'est très important de comprendre aussi la signification de ces choses-là. Et le cheikh, qu'est-ce qui est bien ici, c'est qu'il a fait la distinction entre le fait d'être obéissant envers nos parents qui ne sont pas musulmans et d'agir bien avec eux, et la distinction entre ça et le fait de appliquer et respecter al-wala wal-bara, c'est-à-dire de se désavouer eux par rapport à leur shirk et leur kufr. Ça veut dire que le fait qu'on se désavoue ou qu'on établisse un désaveu entre nous et nos parents ou des gens de notre famille qui sont des kuffars, ça n'implique pas qu'on ait le droit d'agir mal ou de maltraiter ces gens-là. Donc, il y a une attitude parmi certains extrémistes, hein, parmi les musulmans à notre époque, qui essaie de prétendre que si on agit bien avec des koufars, hein, ou envers nos parents, eh bien que ça veut dire qu'on les a pris pour alliés. Hein? Ou que si on agit bien avec des koufars de façon générale, même s'ils ne sont pas de nos parents, des étrangers qui sont koufars, si on agit bien avec eux et qu'on est poli avec eux et qu'on est gentil avec eux, ils disent « Ah, ça veut dire ça, ça veut dire que tu les as pris pour alliés. » Alors que ça, ça n'a rien à voir. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas interdit d'être bon et d'être juste envers les mouchriquins et les koufars qui sont honnêtes et bons avec nous. Et la preuve de ça, c'est dans justement le verset dans Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La yanhakum Allah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. » Donc dans le verset 60 dans sourate Al-Mumtahana, le verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les justes. Donc ça veut dire que si des koufars et des mouchriquins sont justes avec nous, eh bien nous, on doit aussi être justes avec eux et être bons avec eux. Et c'est pour ça que Allah dit dans le Coran, « La yanhaakum Allah, il ne vous interdit pas, « antabarruhum wa tuqsitu ilayhim » que tu sois juste avec eux et que tu sois bon avec eux. Antabarruhum, c'est le fait d'agir avec eux avec bir. Et le cheikh, il explique justement ce verset-là un peu plus tard par la suite. Il dit: قال الخليل عليه السلام لقومه المشركين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit à propos d'Ibrahim alayhi salam, qu'il a dit à son peuple, parmi les mouchriquins, ceux qui font le shirk avec Allah et qui adoraient les idoles, il leur dit, voyez-vous ce que vous adorez, hein, ou ce que vous adorez vous, ainsi que vos ancêtres, hein, les anciens, ils sont certes mes ennemis, excepté le Seigneur des mondes. C'est-à-dire, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, eh bien c'est mon ennemi, excepté le Seigneur des mondes. Et le verset ensuite que le Cheikh a cité, c'est le verset 22 dans Surat Al-Mujadala que le Cheikh a cité tout à l'heure. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier des gens qui aiment ceux qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux versets-là. Le premier verset, qui est le verset 75 à 77 dans Surat Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Il dit: تبرأ مما يعبدون من دون الله إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين وإلا فهذا استثناء منقطع أي لكن رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني هو الذي أعبده وأحبه. Donc le Cheikh il explique par rapport à wa alaykum salam wa rahmatullah. Le Cheikh il explique par rapport à ces versets là 75, on a dit 75 à 77. Il dit: que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos ancêtres, vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir et puis me redonnera la vie, et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Hein? Donc tout ça c'est des explications que Ibrahim alayhi salam a mentionné à son peuple, et il s'est donc désavoué de tout ce que son peuple adore en dehors d'Allah, parce qu'il dit ils sont tous mes ennemis excepté le Seigneur des mondes. Accepter le Seigneur des mondes, parce que c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et donc ça c'est, le cheikh il dit, c'est une exception que Ibrahim a mentionnée. Et cette exception-là, c'est-à-dire que le seul que j'adore et que j'aime parmi ceux que vous adorez, c'est Allah, le Seigneur des mondes. Parce que c'est lui qui m'a créé et qui m'a guidé. Mais le reste... Hein? Le reste, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, et je suis l'ennemi de toutes les autres choses que vous adorez en dehors d'Allah. Et l'autre verset, le cheikh il dit, par rapport au verset de Surat al-Mujadala, هذه الآية أيضا تنفي أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار ولو كانوا أقرب الناس إليه لأنهم لما كانوا أعداء الله عاداهم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Donc le cheikh il explique le verset qu'on a lu, verset 22 dans sourate Al-Mujadala. Il dit que c'est la négation du fait que les croyants qui croient en Allah et au jour dernier et en son messager puissent aimer les kuffars, même si ce sont les plus proches parents de cette personne-là, parce que du moment qu'ils sont des ennemis d'Allah, eh bien, il les prend en ennemis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos d'Abraham, lorsque son père, on a vu clairement que c'était un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de lui. Hein? Certes, Ibrahim est plein de sollicitude et indulgent. Et le verset 1 dans Surat al-Mumtahana, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés, vous leur offrant l'amitié et l'amour. » Donc ça c'est des versets qui parlent de ce principe de Al-Wala wal-Bara, ce qui vient réfuter clairement les soufis de Wahdatul Wujud qui pensent qu'on doit considérer que tout ce qui existe est Allah, et donc il n'y a pas de différence entre le croyant ou le mécréant, le muwahid et le mushrik, et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain la suite de ce cours, incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.